Hola chicas, hola chicos. Bienvenue dans Goodbye Kevin. Kevin. Je sais pas comment dire au revoir en espagnol. Ciao. Adios Kevin. Oui, adios. Adios Kevino. Bonjour Léna. Bonjour Pierrot. Comment ça va? Ça va très bien, la forme. Sur Radio Campus Lille pour une nouvelle émission, la 295e. Tchouk tchouk tchouk. 295 ou 94? 15. 15. Je tiens les comptes, ne t'inquiète pas. Très bien. À 5 de la 300. Oh là là. 300, ici Sparte. J'espère que vous avez cette référence si vous regardez des films en VF. Qu'as-tu prévu de beau cette semaine, Léna? Qu'est-ce que j'ai de beau dans mon sac à dos? On commencera par un rock lo-fi londonien, doux et déstructuré. Ensuite, on aura du noise punk qui vient d'Angers. On aura aussi de la folk psychédélique et terreuse du Canada. Une petite pop lo-fi mississippienne qui tend vers le post-punk. On aura aussi de la pop déviante des années 80 et du néo-crot-rock de la côte sud de l'Angleterre. Peut-être pas tout dans cet ordre-là, on verra comment ça avance, puisque je crois que moi je pète un peu les scores en termes de time, de timing. T'as beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses et j'ai surtout un très long morceau, alors du coup on verra. On verra bien, oui, moi aussi, hein, c'est flexible. De toute façon, vous avez l'habitude, si vous écoutez Goodbye Kevin depuis 295e, on a un programme, mais jamais il rentre en entier. Non. Puisqu'on est ambitieux, parfois vicieux, et surtout très bavard. Et on peut être les princes de la ville si tu veux. Exactement, quand tu veux. De mon côté, j'ai écrit « Oh là là !» C'est vraiment sur le thème espagnol, parce que « Oh là là !»« Hola » veut dire « Salut mm-hmm. !»« Oh là là !» On va dans tous les sens pour cette émission de mon côté. Ok. Eh oui, en fait, on va donc dans tous les sens, puisqu'on va avoir de multiples genres, de multiples ambiances, de multiples tempos. Il y aura par exemple du punk hardcore, de la musique méditerranéenne, de la fusion de plein de styles venus tout droit de New York, mais qui reste bien énervé, et enfin du spiritual jazz pour mettre un pied à l'étrier aux gens qui n'aiment pas le jazz en particulier. Très bien. Eh bien, on va commencer avec Eterna. Et Eterna, c'est quoi? C'est le projet solo de Guilhem Peters, qui est le batteur de Bar Italia, si vous connaissez ce groupe. Là, on s'éloigne un peu du côté arty de Bar Italia pour aller plus loin, sur du lo-fi. Mais il y a toujours cette manière de composer des morceaux qui est assez efficace, avec des mélodies à la fois douces, à la fois énergiques et déstructurées par moments. Il y a d'ailleurs un petit côté mélancolique sur le morceau qu'on va écouter, qui est le premier de l'album. Cet album, du coup, c'est son deuxième. Il s'appelle « Des Bunkers » et c'est sorti fin janvier sur le label Section 21. Et donc, du coup, le morceau s'appelle également « Des Bunkers ». C'est un morceau éponyme et c'est tout de suite sur Radio Campus. Keep them hidden, no one apart from me. fell in love, so you keep falling down. I can't really tell when you last had fun. Maybe sometime when you were here. And I have some nice scars, but I keep them hidden, no one apart from me. I'm still stuck on the tree. D'écouter Eterna, le projet solo de batteur de Bar Italia avec le morceau des Bunkers. On retrouve bien le côté Bar Italia quand même. Oui, hein. Oui. Ça s'éloigne un peu, mais pas trop. C'est un barattista, non? Comment on dit c'est... Ah, ben voilà. Un bon café pour se réveiller. C'était pour faire ta transition. Un bon café pour se réveiller, pas besoin, avec le prochain groupe qui fait du punk hardcore ou du hardcore. Est-ce que vous, derrière votre poste, vous arrivez à le deviner? On peut le trouver parce qu'on entend beaucoup parler, puisqu'ils ont un album à venir. Quel est ce groupe hardcore préféré de tous? C'est Turnstile. Ah oui. Et t'as vu, en plus, je dis même pas Turnstile, je dis ouais. Turnstile. Voilà. C'est trop un américain. Là, on les a bien vus sur les réseaux sociaux, puis ils ont fait un concert gratuit à Baltimore. Alors, c'est écrit gratuit ou c'est écrit parfois, c'est pour récupérer des sous pour une association. Donc c'est là où j'arrive pas à comprendre. Bah, j'arrive pas. C'était peut-être prix libre, gratuit, mais tu pouvais donner. Ah, des très dons, bien. Je pense. Il y a peut-être des stands. Bon, en tout cas, ils reviennent avec un nouvel album qui s'appelle Never Enough chez Roadrunner Records, 4 ans après leur album qui leur avait fait connaître un succès mondial qui était Glow On, qui était classé dans les meilleurs albums de 2021. Et ma foi, pour le moment, on a juste une poignée de titres. On en a 3 exactement. Nous, on en écoutera 2. L'album sort dans 2 semaines, donc on aura tout, et c'est déjà assez efficace et sur la continuité de l'album précédent. Turnstile, c'est un groupe qui s'est formé en 2010 à Baltimore. Ils font du punk, du hardcore, du punk hardcore, et ma foi c'est très très chouette. On va écouter Sing Stars et Birds, qui pour moi c'est un groupe un peu aussi emblématique que les Queen of the Stone Age à un certain moment, où c'est allé pas sur un rock pop, mais un rock un peu plus... on sort les muscles. Un peu heavy. Bah là, c'est pas heavy, non. Mais ça sort un peu les muscles, comme la vague du punk hardcore de base américain, où on retrouvait les Bad Brains, qui sont de Washington, ou encore Minor Threat. Bon, bref, il y en a plein, Black Flag. Voilà. Tout de suite, Turnstile, et on bouge ses fesses avec des grosses guitares. Oh, là là, qu'est-ce que j'ai bougé mon popotin. Oh là là, extraordinaire. Et vous avez vu la palette, hein. On est sur Tout Calme, le premier morceau, et le deuxième, oh là là, c'est énervé. Voilà, j'ai tout dit, dans style. On reste sur une vibes énervée avec Limboy. Limboy, ils viennent d'Angers, et c'est un groupe de noise punk dans lequel tu retrouves des anciens membres de Bermude, de Sand Carol, et, ou encore des Sheraffes. Voilà, Sheraffes... Sheraffes, groupe parisien bordelais. C'est ça, voilà. Ils ont signé chez Stolen Body Records pour la sortie de leur deuxième album, ce que je trouve assez classe, puisque c'est un label que j'aime beaucoup, moi, personnellement, et que tu aimes beaucoup aussi, Pierrot. Toute l'équipe, toute la rédac les kiffe, quoi. Voilà. Alors, l'album s'appelle tout simplement 2, en chiffres romains, et il est sorti en mars dernier. Nous, on va écouter Change for a Change, et pareil, il y a un truc qui m'a accroché, j'aime bien. Avec Change for a Change. Ça donne envie de mettre un short assez court et de faire du skateboard avec une bonne bière bien chaude. Voilà, voilà, bah c'est exactement ça. Un peu l'été. C'est l'été qu'on fait ça. Un peu comme le prochain groupe. Ah, mais cette transition. Ouais. C'est dingue, hein. Ouais. Ça s'appelle l'art de l'oration. De l'aura. C'est ce que moi je voulais dire le nom du groupe. T'allais dire. C'est Goodbye Kevin, de toute façon. Mm-hmm. Émission 295. Remettons l'église au milieu du village. On va écouter un groupe qui s'appelle La Grande Bleue. Oh, La Grande Bleue. Wow, c'est un délire quand même. Mm-hmm. qu'est-ce que ça désigne la Grande Bleue? Bah, ça désigne la Méditerranée, puisque c'est l'album s'appelle Musique imaginaire de la Méditerranée. D'où que c'est que ça sort? En fait, c'est un album qui était sorti en 1983 et qui a été réédité par Dishonored. Il était sorti de façon assez confidentielle en 83. Et c'est une pépite de world music oubliée. Ah ouais, on avait tout oublié. Et donc à la base, c'est des musiciens montpelliérains qui proposaient une fusion de musique traditionnelle méditerranéenne du Moyen-Orient à l'Italie, en passant par l'Afrique du Nord et les Balkans. Et c'est vrai. Et bien effectivement, pour avoir écouté l'album, tu as toutes ces nuances de musique méditerranéenne. Et c'est, on se dit, waouh, mais quelle dinguerie. Et vous allez le voir, on va écouter Kalamatianos, plutôt grec. Mm-mm. Puis on va enchaîner avec l'Odyssée de la Santa Spina. Donc il y a un tilde, on se dirait peut-être un peu Espagne, on ne sait pas quoi. Mais sauf qu'il y a Tarantelle après. Et Tarantelle, c'est un peu Italie. Ok. Ok, dingue. En tout cas, c'est... C'est vraiment très chouette comme réédition. Dingue qu'on pouvait faire de la musique de fou en 83. Non, c'est pas vrai. La Grande Bleue. La Grande Bleue et son hommage à la musique méditerranéenne. soleil tape sur la tête ou quoi dans la Méditerranée. Voilà, c'était La Grande Bleue et hommage à la musique méditerranéenne. Merci Léna. Et panienne. Bref. On part au Canada, Pierrot. On part au Canada avec Aura Cogan, que je vous ai déjà présenté avec son album Formless qui était sorti en 2023 et qui elle mélange sonorité country, folk et gothique un peu, petit côté un peu terreux, ce que je disais dans mon introduction. Il y a peut-être même moyen que je vous ai passé un petit single entre temps parce que c'est une artiste dont j'aime beaucoup le travail et dont je suis l'actualité avec attention. Et du coup, bah, qui dit actualité dit dernier EP qui est sorti en avril, il me semble, sur le label Prism Tong. Et que dire de plus à part que c'est encore très très beau et très très réussi. Il y a un côté psychédélique qu'on sent beaucoup plus que dans ses travaux précédents, même si ça a toujours fait partie de son identité. Et là, c'est encore plus flagrant sur le morceau que j'ai choisi de vous faire écouter et qui est selon moi une petite pépite. Le morceau s'appelle Bury Me et c'est le même titre que l'EP. Et c'est Aura Cogan, et vous allez voir, c'est très chouette. C'était Aura Kogan avec le morceau Bury Me. Et j'aime beaucoup sa voix, au-delà de toutes les nappes qu'elle met dans ses compositions. Je trouve ça toujours très très chouette, très riche, ce qu'elle propose. Ouais, il y a un petit côté fantôme, hein, il y a des fantômes quoi. Enfin, ouais, il y a un côté cinématographique aussi dans sa musique. Cinématique. Ouais. Hein. Fantasmagorique. Hein. Onirique. Ouais. Eric. Eric, est-ce que c'est une autre transition ? Non, non, pas non, mais la transition, là, c'est... Oh, j'ai un peu faim. Ah bon ? Pourquoi ? Bah, qu'est-ce que tu mangerais ? Bah, je mangerais bien un casse-croûte. Oh non, c'est pas vrai ! Comme le prochain groupe qui s'appelle Cassie Crute. Ah. Cassie Crute. Cassie Crute, qui est un trio new-yorkais composé de Kasra Kurt, Dave Albert, qui est sa figure de proue, et de Matt Underegg. J'adore leur nom. Et alors, qu'est-ce qu'ils nous font, ces Lascar ? Bah, ils nous font une fusion de musique électronique minimaliste, de pop industriel et d'explosion punk dansante. Ça, ils savent faire, les New Yorkais étaient des trucs dansants et punk, comme ESG. Oui. Ah, tu vois. Ils viennent de sortir un EP chez Firetalk qui s'appelle Reckless, si je ne me trompe pas. Comme le titre qu'on va écouter. Et leurs influences, elles sont assez variées. Ils font, ça vient du dub au grime, en passant par le garage. Et souvent, leurs concerts sont assez mouvementés. Ça part dans tous les sens. J'ai pas vu d'extrait, donc je peux pas confirmer. Mais ça me donne envie de les voir. Juste déjà au morceau qu'on va écouter, Reckless, ça donne envie. Cassie Crute dans Goodbye Kevin. I wanna be fast and I wanna Et non, c'est pas un moustique qui tourne autour de vos oreilles, c'est les Kay Secret d'Amérique, de New York. On change un peu de style avec une archive. On part sur une archive puisque mon prochain morceau, il est sorti en 2019. Il a été composé par John Ryan Kaiser, aka Yacht Club, qui lui est un chanteur, compositeur et producteur originaire du Mississippi. Petit moment jeu dans Goodbye Kevin. Combien il y a de S et de P dans Mississippi ? 3P, 4S. Presque 4S, 2P. Ça sera rarement vu, 3P d'affilée. Je sais pas. Deux non plus. Ouais. Ah, bah, dans ma tête, ça s'écrit Mississippi, pipi. Pipi, pipi. Alors lui, son style, c'est plus pop, pop lofi, bedroom pop, surf pop, tout ce qui est pop, quoi. Moi, ce que j'écoute d'habitude, mais là, je suis tombée sur un petit single bien efficace qui m'est bien resté dans la tête. Donc, je me suis dit que j'allais vous le partager. D'ailleurs, ce morceau est un petit peu plus post-punk que pop lofi. Mais bref, voilà. Enfin, même pas. Bon, vous allez voir. Le morceau s'appelle Japan. C'est sorti sur... Alors, je sais pas si c'est un label ou pas. C'est Yacht Club and Many Hats Distribution. Donc, je pense que c'est une collab. Many Hats, il me semble que c'est un label. Voilà, Yacht Club avec le morceau Japan tout de suite. Hein. C'était Yacht Club avec le morceau Japan. Un bon côté surf rock. Hein. Oui. Peut-être que je suis influencé par la pochette, puisque c'est un squelette qui fait du surf. Voilà. Mais ça fait surf rock, la guitare. On poursuit. On va un peu loin de la plage, un peu plus au frais. On part en Suède avec du jazz, du spiritual jazz contemporain, avec le groupe Organic Pulse Ensemble. C'est surtout le projet d'un homme. Un seul, qui s'appelle Gustav Hornage, qui est un musicien suédois qui fait du saxophone. Et tout ça sur un label finlandais. Il a sorti quand même pas mal de choses, mais là, c'est les premières productions qui sortent en vinyle sur le label Ultra Ani. Combien de A ? Il y en a trois, dont deux avec un accent. Tréma. Et donc, l'album s'appelle Zittersuite. Et ma foi, c'est terriblement efficace. Donc on va écouter le morceau Hypocalypse de Organic Pulse ensemble. Thank you. Organic Pulse Ensemble dans Goodbye Kevin, émission 295 sur Radio Campus Lille. Merci pour ce petit rappel, Pierrot. On enchaîne avec Aircooled. Aircooled, ils viennent de Saint-Léonard-sur-Mer, au sud de l'Angleterre, et ils font un genre de post ou de néo-crot-rock, si on peut appeler ça comme ça. Ils se sont formés pendant le confinement, mais je tiens à préciser qu'on n'est pas sur un groupe de newbies. Voilà, parce que dedans, enfin, tu vois, les membres, ils ont quand même pas mal roulé leur boss, si je peux dire, ça comme ça. Genre, par exemple, Justin Welch, lui, c'est le batteur de... lui, il tient un resto. Ils sont trois. Voilà. Ils sont brasseurs. Justin Welch, lui, c'est le batteur de qui ? Bah, de The Jesus and Mary Chain, de Piroshka aussi. Et puis, il a été aussi dans des membres de groupes comme Lush ou encore Suède. Donc voilà, je te ferai dire que je te signale que voilà. Ils ont sorti leur deuxième album en février 2024, mais moi je les découvre que maintenant. Alors peut-être d'ailleurs que tu les avais déjà passés, je ne sais pas, est-ce que ça te parle ? Ça ne me parle pas. Ça ne te parle pas, ok, très bien. Alors l'album s'appelle Eat the Gold, c'est sorti sur le label Music's Not Dead, et le morceau qu'on écoute c'est un morceau de 7 minutes, en même temps que Crot Rock, hein, qui s'appelle Star Rider, et je pense qu'après ça on aura le temps pour un dernier morceau, et ce sera la fin. C'est ça. À voir. Voilà, bah, c'est Aircooled tout de suite. C'était Aircooled avec le morceau Star Rider. Et il est temps de se quitter, on va se quitter avec Tim Maia. Tim Maia, chanteur brésilien emblématique avec sa voix de crooner, qui a sorti beaucoup d'albums cultes dans les années 70, mais même après, qui aimait beaucoup le cannabis et la cocaïne, mais ça l'empêchait pas d'être un artiste à succès. Et on va écouter tout simplement mon morceau préféré de lui, celui qui était sorti sur l'album 1970, puisqu'il est sorti en 70. Et le morceau, c'est Azul d'Accord d'Omar. Tout de suite, Tim Maia, et nous, on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Ah, si o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer enquanto o outro ri. Quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Ver na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Ver na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar.